chanter, Dieu, je me dis que tu le fais exprès. Maintenant, ose me dire que je me trompe pas. J'ai l'impression que tu cherches quelque chose. Regarde-moi, c'est à toi que je cause. Je répondrais volontiers seulement si je pouvais m'exprimer. Ah, dis-moi ce que j'ai fait, on ne revient pas en arrière. J'ai fait 10 pas vers toi, tu n'as pas su lire sur mes lèvres. Non, assieds-toi, calme-toi, j'ai eu ce que je voulais mais j'ai rien ressenti. Je ne voulais pas que tu saches, je voulais pas que tu saches, je suis pas ton ennemi. Non, assieds-toi, calme-toi, j'ai eu ce que je voulais mais je n'ai rien ressenti. Je ne voulais pas que tu le saches, je voulais pas que tu te fâches, je ne suis pas ton ennemi. Quelque chose, regarde-moi, c'est à toi que je cause. Je répondrai volontiers seulement si je pouvais m'exprimer. Ah, dis-moi qu'au fond de toi, tu n'y as jamais pensé. J'ai fait 10 pas vers toi, tu n'as pas su lire sur mes lèvres. Non, assieds-toi, calme-toi. J'ai eu ce que je voulais, mais je n'ai rien ressenti. Je ne voulais pas que tu le saches, je voulais pas que tu te fâches. Je ne suis pas ton ennemi. Non, assieds-toi, calme-toi. J'ai eu ce que je voulais, mais je n'ai rien ressenti. Je ne voulais pas que tu le saches, je voulais pas que tu te fâches. Je ne suis pas ton ennemi. J'essaierai d'arranger les choses. Tu me diras qu'on faisait une pause. J'espérais qu'on serait en phase. Je voulais pas que tu le saches, je voulais pas que tu te fâches.